fort du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. C'est charmant, petit trou tout entouré de cailloux. Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Pas de tout à l'égout, alors on fait sur les cailloux. Une cabane au fond du jardin, trop loin tout au bout. Je vais vous foutre cette chanson dans la tête. Putain, j'ai trop de réverb. Oh putain, j'ai trop de réverb. C'est quoi ça? Sur ces 32 mesures, je peux pas chanter sur les mesures, je suis perdu là. Putain. J'ai pas bu le pastis pourtant. 1, 2, 3, 4. Faire sur ces 32 mesures, ça va pas avec du cabrel, ça va pas avec du cabrel, petit go. Je vais chanter une chanson, mais... J'ai changé les accords. Je vais faire un ré. 2, 3, 6. Possible, petit. En 32. C'est vrai, je suis en 32. Qu'est-ce que... comme fait sur le 32. Standard Tuning, GDAE. Qu'est-ce que c'est que cette tablature là? Comment on lit ça? Y'a quelqu'un qui sait lire ça là? Ah mais c'est une basse ça, c'est pour la basse. L'océan, il y a l'océan qui est là. Détour, et voici tes et tout devient aveugle et sourd. L'ami camoufle quelques heures, la zone sale et les épaves et la lueur. C'est pas choisi d'être ici entre nuances et la violence. À part, je vote. Ah, mais c'est bon.